Dis-moi si on arrive ouais côté tant qu'à passer. Dis-moi si vous pouvez empêcher volcan cracher du feu. Tout le monde croit que c'est bon Dieu. Dis-moi ça nous a créé. C'est passé nous qu'à passer. Capote, c'est passé, nunca passé.